Dis donc, il est giron ton petit sommelier. Le bon cru. Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans les bons crus. Bonsoir. Vous êtes avec Julien et Jérôme. Yeah. Et ce soir, donc c'est un menu à la carte. Et donc j'ai proposé à Julien une émission où on passerait un peu du rap inspiré par le rock. Le rock, tous les styles de rock, hein. Pop rock, ouais. Metal, rock classique, voilà. En fait, on avait déjà fait une émission un peu sur ce thème il y a quelques années, si vous suivez l'émission depuis longtemps, avec Simon. Donc voilà, je voulais faire un deuxième volume. Et pour commencer, donc on va faire plusieurs thèmes. Julien a ramené des morceaux qui samplent du rock, des rappeurs qui s'inspirent du métal. Exact. Et moi, je voulais commencer avec des rappeurs qui ont collaboré avec des groupes de rock ou des rockers ou qui ont enregistré dans des conditions un peu live. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu, il y a eu un peu de tout. Quand tu penses à Jay-Z et Linkin Park, bon, c'était pas terrible. Mais on parlait aussi de Lil Wayne qui a fait un album où il se prenait pour un rocker, mais en fait on l'a réécouté, c'est pas dingue quoi. J'ai rarement, je crois, qui me vient à l'esprit, aucune collab rap rock. Je parle collab, pas que quelqu'un qui a samplé ou quelqu'un qui s'inspire de rappeurs qui font un featuring avec des rockers ou des rockers qui font un featuring avec des rappeurs qui est vraiment mémorable. Beastie Boys, peut-être ce qui se rapproche le plus d'un truc bien. Après, bon, dans la précédente émission, on avait passé Run DMC avec Aerosmith. Bon, ça, c'est un gros classique, on connaît. Il y a Gorillaz qui a fait beaucoup. Ouais. Mais là, c'est plutôt des rockers, enfin, pas un groupe, on va dire, pop-rock, électro, ce qu'on veut, mais qui invite des rappeurs. C'est un je peu pense, différent. Je, quand tu m'as demandé ce thème-là, je pense qu'en fait, le truc de rocker-rappeur, ça s'est fait beaucoup avant. Car en fait, c'était le rock était un peu comme peut être le hip-hop maintenant, et quand au début du rap, enfin du rap, la musique la plus écoutée était peut-être, enfin pas que le rock, mais ça faisait partie des musiques influentes qui étaient écoutées. Plus samplé beaucoup de rock. Ouais, samplé beaucoup samplé le rock, le blues, le jazz, et du coup c'est pour ça qu'il y a peut-être eu, je pense, un rapprochement collab, mais je trouve pas que ça ait forcément vraiment marché quoi. Mais moi j'ai quand même des exemples où ça m'a plu. Et j'avais terminé la dernière émission sur l'album Black Rock. Donc de toute façon, je la remettrai en ligne pour que vous puissiez l'écouter. Je vais y faire un petit peu référence. C'est en gros les Black Keys, le groupe de rock, le duo, qui avait enregistré un album avec plein de rappeurs sur le label de Dame Dash. Et un des rappeurs que j'aime beaucoup aussi, Currency, il a fait un de ses derniers projets sur le label de Dame Dash. Avec un producteur plutôt de musique rock, et l'album s'appelait, c'était une mixtape, ça s'appelait Muscle Car Chronicles, donc les grosses voitures, la chronique des grosses voitures, et c'est des morceaux de 2 minutes, c'est assez cool, en fait c'est pas des instrus vraiment, c'est Currency qui rappe sur du rock, donc c'est assez spécial, c'est sympa à écouter. Et écouter Black Rock aussi, c'était vraiment lourd. Donc on va commencer par ça. Et puis on enchaînera derrière avec un morceau de Big Boy aussi qui a collaboré avec un groupe d'électro-rock plusieurs fois. Ah oui, et le morceau s'appelle, donc là ça s'appelle, c'est Sound Boomin. C'est l'intro de la mixtape. Yeah, tell the driver pull my truck up. Me and this LA woman stumbling out the club, fucked up. The jets my set, I so love her. Call home, tell my bitch I come back after I come up. If you got my back, mama, don't front. Get my rack, cop a tower, I fly you out in a month. Dropping tops, bottles pop, plane still taxiing, tarmac magging. Strawberry diesel ratting on the shelf from my carry-on bagging. If you like to take a smell, camouflage cargo, two socks and gray chucks. High all the time, the OGs tell me to stay. Being real is a pay cut, also it was. Just that chronic light green purple hair, crystal fuzz. Talking out our head, it's obvious that crystal buzz. Clipper out the rotation, no more weave for her. Snap out of it, coach you on how to ball. Spill the time down the bitch, where the wild things are. Muscle cars in the marijuana is. To be half as fine as him is an accomplishment. Yeah. That's what the fuck I'm talking about. DL to ASAP Mob. Lies. Tell them read between it. Tripping while I'm slipping, busy fighting all these demons. Listen while I'm spitting, bark, you probably won't believe it. But life is so terrific, tell them pinch me if I'm dreaming. Revenue's what I get, hit. Yo, bitches, what I did, hit. Game about my business, them pesos, what I did, get. Made a hit, had a fix, they saying use this shit, nigga. Tell them get off my Disney, you bucket headed bitches. Crossing all the lines, time is only racing time. Eclipsing to the ball, so I'm only raising mine. Depending on the grind, is the only way to shine. So I'm feeling like the odds is the only state of mind. And it's finna give me peace. Life up in these streets, equipped it with a piece. Case you Nicholas when it peak. Cause man gave us laws and God gave us time. It's the art of storytelling and I'm only telling mine. The lines we've crossed have always been wild lost. It changes all the time. Cause I've wondered how I'm happier when I lose what I've needed all my life. Talk that shit, boy. Straight out of the belly of East Point, yeah, that's my origins. Was born in West Havana, Georgia, then I was born again. Like the baby in the manger, I gave my life to Jesus. Because it could protect me from the dangers in the circle of angels. Just to help me shine my halo. Attended Sunday school, but it felt like it was every day, though. I didn't have a suit or no fancy shoes, you wouldn't out play clothes. Received the word, and it molded me like Play-Doh. But nigga, we don't play, though. We don't play though. They say we get lower than an alligator snake boat. And when I say gator, I mean that gator that matched that safe boat fur coat. I wish that Peter would throw some blood off on my fur folk. Why? Ass whooping. They out to eating flesh, but wanna worry about how I'm looking. I say simply fresh to death solutions. Left foot, best foot forward. You reap what you're sowing, now it's showing. Et vous êtes toujours dans les bons crus pour cette un peu spéciale rap et rock, si on peut dire. Et donc là, on vient d'écouter Big Boy. Donc c'est extrait de l'album Vicious Lies and Dangerous Remorse. T'avais bien aimé cet album? Ouais, j'avais adoré, ouais. J'avais trouvé ça vraiment lourd. Pourtant, je suis pas un fan d'Outkast. En fait, je préfère Big Boy qu'André 3000. Les gens ils vont me dire il est fou, mais je préfère, c'est plus mon truc. Mais son premier album, celui qu'il avait fait juste avant, était encore meilleur, je trouve. Ouais. Ouais, j'aime bien Big Boy, donc du coup, ça passe, je trouve que ça passe vraiment bien. Il est bien ce morceau. Et là, donc, il a collaboré avec Fantogram. Donc eux, c'est un duo électro-rock, quoi. C'est la femme qu'on entend chanter, en fait, sur le refrain. Et l'instru, bon, ça reste une instru rap, hein. Mais ouais, tu vois qu'ils ont collaboré, ils ont rajouté un peu des... cette espèce de... comment on dit, de grosses guitares électriques tout du long, là. Enfin, mm. Voilà. En plus, il y a Saproki, vraiment lourd. Et ils ont même fait un groupe ensemble. Big Grams s'appelle, et ils D'accord. ont sorti... Bon, là, par contre, c'était un peu moins bien. Vous avez fait, je sais pas, un petit EP de 6 morceaux il y a quelques années, c'était 2015, je crois. Mais c'était pas une réussite. Non. Voilà. Mais voilà, réécoutez Big Boy, c'est vraiment très cool. Et puis Outkast, de manière générale, ils ont toujours un peu samplé beaucoup le rock. Ah bah, grave. Donc ça, on en avait déjà parlé dans la précédente émission. Donc tu nous as fait un peu une petite section de morceaux où il y a des gros samples de rock. Ouais, en fait, des morceaux, j'ai essayé de trouver des morceaux où, au premier coup d'oreille, tu reconnais tout de suite, si tu as écouté un peu de rock, le morceau original, en fait. Et quand le morceau qu'on va passer, le premier, c'est le morceau de M.I.A., Paper Planes, et quand je l'avais écouté... Moi, c'était une grosse claque. Ouais, c'était top, mais franchement, le sample est très bien utilisé, mais les premières notes, dès les premières notes, tu sais que c'est The Clash, quoi, directement. Ouais. Donc le morceau il s'appelait, de The Clash s'appelait Straight to Hell. Et ouais, c'est un gros sample, franchement. Et c'est un sample, je trouve, rock, qui marche absolument bien, quoi. Ouais, et puis elle est très forte dessus. Ouais, c'est trop bien. Je me souviens du coup, j'ai re-regardé le clip cet après-midi, quand tu m'as envoyé ta sélection, donc... Ouais, c'était quoi? C'était l'année 2000, 2000 ouais, 2007, 2008 ouais, Fin 2000. Ouais. Vraiment, vraiment cool. Mais on écoute ça? Yeah. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. We'll be right back. Jesse Uvizzi stays true to his grammar. Being a celebrity don't mean shit to me. Fuck the glitz and glamour, hit him with the blitz and hammer. Because they're talking black Russian. To be on my back or to my face, they say nothing. Stand up in the box, keep a firm steady stance. Keep the beanies talking, keep the beanies hot flushing. Flushing MCs down the loo. If you don't believe me, bring your posse, bring your crew. Feel free to hate, cause I ain't trying to be your mate. Be serious, you walking lost the hour in my shoe. It's an Air Force One. Trainers by the truckload, trainers by the ton. There'll be days when I catch you by your J's. Chunk best to hang out for his gun, best to run. Fix that, look sharp. Don't make me bring a bit sight and get dark. Hear the bang, see the spark. Duck down, lay down, just calm down. Fix that, look sharp. Don't make me bring a bit sight and get dark. Hear the bang, see the spark. Duck down, lay down, just calm down. I got the big beat. I hear the sound. I got the big beat. When the hammer hits your head splits like banana. You're not ready for this now. You better send your best soldiers. This is Captain Roscoe. More destructive and troublesome than ever. I'll probably be doing this probably forever. Fellas wanna stop me, they'll probably come together. It's probable they'll stop me, probably never. Yo, top red, top man or top of topper. Come to me with an attitude, come a cropper. I'm old school like Happy Shopper. Off white old school, bring your brat and your chopper. And a first aid kit and some antiseptic. This could get hectic. I'm done accepting you got a bright future. Don't let my heart affect it. Fix that, look sharp. Don't make me bring a bit sight and get dark. Hear the bang, see the spark. Duck down, lay down, just calm. Fix that, look sharp. Don't make me bring a bit sight and get dark. Hear the bang, see the spark. Vous êtes de retour dans les bons crus pour cette spéciale influence du rock dans le rap ou collaboration rap-rock, enfin tout ce qui peut toucher rock au sens large et le rap. Du coup, le deuxième morceau, bah, tout le monde l'a reconnu pour les amateurs en tout cas de rap anglais, enfin de grime même. Même si ce morceau c'est pas le plus grime que je connais, mais il est. Ouais, bah ouais, clairement parce qu'il a une. En fait, c'est un sample, c'est un des plus gros samples ouais. De rock. C'est dans le rap. Billy Skier, ouais. The Big Beat. Voilà, c'est un breakbeat hyper connu. Donc, 99 Problems de Jay-Z, c'est aussi celui-là. C'est le même, ouais. Il y a plein d'autres morceaux de rap, là, mais je ne les ai pas tous en tête, qui ont samplé aussi ce breakbeat. Ouais, il est hyper connu, ouais. Ouais. Et le morceau, là, c'était Fix Up, Look Sharp. Ouais, et bon, ce qui rend le côté un peu grime, c'est la voix de DJ Rascal, ouais, son accent surtout. Et sa façon de rapper dessus, ouais, aussi, sa façon de poser. Dessus. Totalement. Moi, ce morceau, je l'avais découvert, ça me revient comme ça, dans un film de danse. C'était un mouvement de danse complètement dingue qui était né début 2000. J'ai plus le nom en tête. Là. Le Crump ? Ouais, le Crump, ouais. Ok. Ben, y a un film sur le Crump. Ouais, je l'ai jamais vu. Et ben il danse là-dessus là, donc il y a le gang des clowns contre les autres là, okay. Et c'est incroyable, c'était incroyable. Donc voilà. Ben on va passer à un autre. Ben, on peut pas faire d'émission sans parler de Pimsy, je crois. Je crois, ouais. Mais non, parce que ce sample il est quand même iconique, je trouve. Hein. Et en plus le morceau il tue, c'est le morceau d'ouverture de son retour de prison. Et justement, donc c'est le Pimsy, le morceau il s'appelle Free puisqu'il est libre, il est enfin. comment dire, sorti de prison, et il parle justement de ça, voilà, qu'il est de retour, il est chaud, machin et tout. Et le sample original, c'est Tom Petty, ça s'appelle Free Falling. Si vous aimez bien le morceau de Pimp C, je vous conseille vraiment d'écouter l'original, c'est vraiment très très similaire. Excusez-moi. Et en plus, l'histoire du morceau de Tom Petty est plutôt sympa. Pour ceux qui parlent un peu anglais, je leur laisserai découvrir, écouter les paroles. Le morceau est iconique et surtout, l'histoire du morceau est cool. It's going down. You know what I'm talking about? Hold up. Yeah. Yeah. Yeah. Dedicate to everybody that's been a part of the struggle. You know what I'm saying? Hold up. Everybody's got loved ones locked up in their system. Say, man, if your people locked up, you need to stay down with your folks. Cause commissary is very necessary, know what I'm talking about? Young pimp out here representing for y'all. Hold up. I'm back on the slab, back on the block. With a hustle three to ever I'm break the frozen water, rock the boy. Emmett Hammond shining when I step out the door. I thought I had enough, but James told him, give me some more. And the same damn day I went to the Bentley lot. Off the showroom floor, I caught the spur, the thing was hot. But I bet all your busters already knew that. Cause I was all on the internet getting my shine back. Making rhymes stack, pimping with my mic. Everybody wanna feature cause we Jones, what they like. They like the pimp, kids taking shrimp. Yeah, fly like a pimp, yeah. Back flow, leg flow, UGK is back. Oh, oh. It was free Pimp C, but now I see the pimp free. Old school gave me that before I left that CT. Terrell checked my bezel on this platinum Jacob watch. They locked up my body, but my mind never stopped. Cause I was plotting and planning and scheming every day. Getting ready for my release so I could steal a game away from all these clone type figures trying to sound like PMC. He's okay, but he's not me. By a long shot, cuz Bob trying to steal the meat. The boys might run BET, but Trick, we run the streets. It's me and Bun B, that's for life, we the trio. When you see a pimp shining Trick, tell me how you feel. Hit PCC in my time and population with the real OGs. I seen a whole lot of pain men doing they biz. Motors just playing and cool trying to get home to their kids. What's nothing like ours? A bunch of iron and bars. Bunch of player hating snitches talking to the guards. And a whole penitentiary being ran by broads. Some of them kept it 100, most of them was fraud. Seen a whole lot of chumps, con men and buckers. Some big time dealers, kidnappers and busters. Pimps and players, I seen some kill with their hands. But I still don't believe a pen is no place for no man. But I still don't believe a pen is no place for no man. Modern-day slavery down here, know what I'm saying? Dedicate to everybody, ain't gonna never make it up out there, know what I'm saying? Everybody doing life. Keep y'all head up. Look. Don't get fed up. Do your time, don't let your time do you. Young Pimp, look. Pitching me rolling, know what I'm talking about, like Pac told him when he came home. Jumped in the 500. Century, doing something mean to it, do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's thinking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. The system broken, the schools closed, the prisons open. We ain't got nothing to lose, everybody we rolling. Everybody we rolling. With some light-skinned girls and some Kelly Rollins. In this white man world, we the ones chosen. So good night, cool world. I need a moment. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Till then, that the world's ours. Vermeil, un peu violette, bel éclat, c'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Et après, I'm Free Power de Kanye West. Ouais, qui est du coup... Pareil, en fait, là, c'est un peu plus... le sample, c'est pas vraiment comme le morceau, c'est juste le... quand il dit 21 Century Schizoid Man, tu vois, c'est quand il chante, là, tu sais. Ouais. C'est ça, le sample. Du coup, le morceau, c'est Power, Kanye West, et le mec s'appelle King Crimson. Ouais, donc un autre, bon, Kanye, lui, le rock, il a pas mal samplé aussi. Mais dans Graduation, dans plein de trucs, de toute façon, il a pas arrêté. Ouais. Et dans Yeezus, il y a ce morceau-là. Black Skinhead, où il essaie de... Bon, là, c'est pas qu'un sample, hein, il essaie de composer un truc qui est dans un esprit un peu punk. Qui a été repris par Laylo, d'ailleurs, dernièrement. Ouais. Très bonne reprise, d'ailleurs. Ouais. On apprécie. Ouais, grave, j'ai trouvé ça vraiment bien. Franchement, ouais. Mais de toute façon, bon, on va pas placer Black Skinhead. Je pense qu'on va manquer un peu de temps, mais peut-être qu'on se le passera en fin d'émission. Ouais, on verra. Si tu l'as en stock, on se le passera à la fin. Donc, moi, je voulais enchaîner maintenant avec des mash-ups. En gros, c'est plus loin que le sample. C'est des DJ qui sont amusés à prendre des acapellas de rappeurs et à les faire poser sur des classiques du rock aussi. Yes. Et la première fois que j'ai entendu ça, c'était avec Danger Mouse, donc qui est un DJ, producteur. C'est lui qui est en fait à l'origine du duo Niers Barclay avec CeeLo Green. Mm-hmm. Donc c'était quoi le hit? C'était Crazy. Je crois, ouais. Ouais, tout le monde connaît Crazy. Bon, peu de gens savent qu'en fait c'est Danger Mouse qui est derrière et que c'est un mec qui a collaboré avec Gorillaz, avec plein de rappeurs aussi. Il a même fait un album commun avec MF Doom. Je sais, ouais. Il est vraiment très bien. Ouais, il est cool. J'avais un morceau aussi en stock, mais bon, on va peut-être pas tout passer. Et donc là, il a pris le Black Album de Jay-Z, les acapellas qui étaient disponibles en fait. Yes. Et il l'a mélangé avec le White Album des Beatles. Incroyable. Et ça a donné le Grey Album. Donc là, en fait, le morceau qu'on va passer s'appelle Encore. Donc c'est un morceau, c'est le titre d'un morceau de Jay-Z dans le Black Album, et j'ai plus en tête les deux morceaux du White Album qui sont utilisés pour composer l'instru, mais voilà, ceux qui connaissent bien les Beatles vont reconnaître. Je pense que je vais te le dire juste après. Ok, bah on en reparle juste après alors. Triple deck, but when you young, what the fuck you expect? Yep, yep. grand opening, grand closing. Goddamn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open in hand with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see? You can't replace him. We keep imitation for these generations. I got an encore. Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn ball. So for one lifetime, I need y'all to roll. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Now look what you made me do, look what I made for you. Knew if I paid my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drop a couple of hits, look how they wave to you. From R.C. to Madison Square, to the only thing that matters is just a matter of years. As fate will have it, J-status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like joy, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you. Probably name you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Cop 7, take one for your team. And I need you to remember one thing. One thing. I came, I saw, I conquered. Record sale, sold out concerts. So motherfucker, if you want this encore, I need you to scream till your lungs get sore. It's star time. This man is mean. He's killing all y'all dad turkeys. Y'all want more than Jigga Man? Well, if y'all want more than Jigga Man, then I need y'all to help me bring him back to the stage. Say ho, come on, say it. Hold up, hold up. Are y'all out there? Are y'all out there? Come on, loud. Yeah, now see, that's what I'm talking about. They love you, Jigga. They love you, Jigga. I like the way this one feels. Hard rock. Same with you, when you stepped up, took the old dirty bastard. Brooklyn, took back in the window. vermeil, un peu violette, bel éclat, c'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Et vous êtes bien dans les bons crus, même si ça envoie du, ça commence à envoyer du steak. Ouais, j'avoue. Au début, on était plutôt sur un petit rock sympathique, plutôt pop. Ouais, mais c'est bien, il faut, faut que ça monte. Ou des samples un peu utilisés façon hip-hop, mais là, donc le deuxième mashup, ça s'appelle Wugazi, en référence au Wu-Tang et au groupe de rock post-punk Fugazi. Donc, ils auraient pu faire un truc de fou, ils auraient pu faire les, le Wu et les Who. Tu sais, c'est un groupe de rock là. Mais ça se trouve, ça existe. Hein. Ça serait incroyable, c'est le Who Who. Franchement, il y a moyen que ça existe. Parce qu'en fait, ce qu'a fait Danger Mouse avec le Grey Album, ça a donné des idées à plein de gens en fait derrière. Et il y a eu plein d'autres albums mashup. Donc il y a. Mais y a moi, il y a plein de. Excuse-moi. Non, mais j'avais continué. Il y a plein de. Par contre, de morceaux rock. Que j'aurais vraiment, tu vois... Envie de sampler ou envie de rapper dessus. Ouais, ou... pas moi, mais que j'aurais bien aimé entendre des artistes. Tu vois, il y a le morceau... alors, c'est pas un morceau à proprement dit de Eric Clapton, parce que le morceau originel n'est pas de lui. Ouais. Mais je crois que c'est... je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais m'abstenir. Mais le morceau Cocaine, tu vois, un rappeur comme, je sais pas, Zero ou Pimp C, il aurait pu faire un remix, tu sais, She go by, cocaine. Avec le, tu sais, le tin, ça aurait pu vraiment faire un gros morceau country rap shit, tu vois. Donner de l'argent à Julien, en fait. Non, mais franchement, j'ai pas la qualité technique de faire ce sample-là, j'arriverai pas, mais franchement, je pense que, tu vois, un mec, et puis j'ai pas la street crédibilité, je prends pas de cocaïne, donc je pourrais pas non plus en parler, mais... Non, mais pour que t'invites un rappeur des États-Unis, tu lui payes son cachet, et vous enregistrez le morceau. Ça serait incroyable, mais... Non, franchement, ce morceau-là, tu vois, il y a celui-là, et il y a un morceau des Cream, tu sais, In the White Room, tu vois, et ça, c'est pareil, c'est un morceau, tu sais, ça aurait pu être psychédélique, ça aurait pu être lourd. C'est des morceaux comme ça, tu sais, qui sont marquants, que j'aurais bien aimé entendre en collaboration rock-rap. Et ouais, mais c'est. Et moi, pour continuer un peu sur les autres albums de Mashup, oui. Donc il y avait eu. Le Wu-Tang avait aussi collaboré avec. Il y avait un mashup du Wu-Tang avec les Beatles aussi. Donc, et on parlait de Big Boy tout à l'heure, ouais. et moi d'un album qu'a fait les Black Keys avec plein de rappeurs. Et bah, du coup, ils ont fait un mashup du premier album de Big Boy solo, qui était Sir Licious Left Foot. Là, exact. Et il l'avait mélangé à un des albums des Black Keys, je crois que c'était Brothers. En tout cas, c'était hyper cool aussi, ça rendait hyper bien. Quoi. Donc, comme quoi, des fois, ces univers se rencontrent facilement. Quoi. Yes. Alors là, on était un peu parti sur un son un peu énervé. D'ailleurs, vous avez reconnu la voix de ODB. Donc, le morceau initial, c'est Shame on You. Shame on Enig. Enfin, ah ouais, c'est sûr. Le Shame on the N-Word. Je crois que c'était Brookings. Et avec le morceau Blueprint de Fugazi. Donc, ok. Mais en fait, ils ont pris que le couplet de d'ODB. D'accord, ok, d'accord. Okay. C'est pour ça. Donc, on poursuit, on continue avec... on énerve un peu l'émission, là, et tu nous as ramené du son J'ai ramené un peu... ouais, on va commencer déjà tranquillement dans les choses qui sont un peu plus énervées. Il y avait ce très, très bon morceau, enfin, que j'ai trouvé très bon... de Lil Jon. Pourquoi j'ai passé un Lil Jon, déjà je vais expliquer pourquoi, parce que c'est le premier à avoir pour moi essayé de faire un mélange qui n'a pas marché, qui s'appelait, avec son album que tout le monde a attendu et qui n'est pas sorti, qui est sorti plus tard, qui s'appelait Crunk Rock. Ah ouais. Donc, ouais, tu l'as jamais, j'ai jamais écouté pour okay. le coup. Alors, en fait, Lil Jon avec les Side Boys, il a commencé à s'essayer un peu au crunk rock, finalement, enfin crunk hard rock avec ouais, le morceau qu'on va metal passer. Même, ouais, metal, crunk metal, mais il appelle ça rock lui, donc ouais. Voilà. Qui s'appelait White Meat, le morceau qu'on va passer d'ailleurs. Et après, il avait annoncé, donc il avait fait cet album avec les Lil Jon and the Eastside Boys qui s'appelait Crunk Juice. Ouais. Et après celui-là, il devait sortir un album solo qui s'appelait Crunk Rock, qui avait pas forcément plein de trucs rock dedans, parce que dedans il y avait déjà le single qu'il avait lancé, c'était Snap Your Fingers, qui est pas du tout rock. Ouais. Mais et puis après finalement il l'a pas sorti tout de suite, et il l'a sorti je crois, mais genre je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais bien après passé, genre ouais. Ouais, bien, c'était son buzz était retombé bien après, en fait il était jamais sorti, c'est un peu à la Detox au final. Et il existe un Crunk Rock qui n'est vraiment pas une belle réussite, donc du coup mais par contre ça s'annonçait bien, parce que ce morceau White Meat que je veux qu'on va passer était de bon augure. Mais je pense que ce qu'ils partagent, justement, les mecs qui ont fait du crunk, ah ben c'est les, les gars qui faisaient du hard rock, c'est du métal, crier, c'est ça, c'est exactement ouais, ça. Les basses saturées, crier, les guitares et tout. Enfin ouais, ça finalement ça le crunk. Ouais, le crunk c'est un peu le hard rock du au départ hein, du rap ouais. Ouais, exact. Ouais. Bah allez, on écoute. Pussy, nigga, bet not get too close. Nigga, bet not try to push me. We got them things, I mean them things that go bang, bang. Don't give a fuck who you is, don't give a fuck if you got some chain. Take your necklace, take your watch and take your diamond rings. Way back in the game, when a nigga used to have to sell rock cocaine. Right now, today, I'ma grab the mic and bring the pain. Go fucking insane, everything I say goes straight to your brain. Lil Jon on the beat, about to tear this bitch up out the frame. You better leave if you think you just a little lame. Chuck your chain, don't get caught when this song here come on. Look at my face, that's gonna tell you niggas something wrong. I heard you niggas don't like me, like me. I know you boys wanna fight me, fight me. I know where your kids and your wife be, wife be. Bust a nigga head to the white me, white me. I heard you niggas don't like me, like me. I know you boys wanna fight me, fight me. I know where your kids and your wife be, wife be. Bust a nigga head to the white me, white me. Real killers tough, niggas loud mouth, rough. Niggas can't stay out of handcuffs. Niggas ain't enough, niggas to run up. Niggas, I'm a artillery specialist. Never the fucking less I get pimping naturally. Effort is coming up out of regions where motherfuckers is needing them. JG to speak for them, continue to see for them. I ran the street with them, concrete to beat with them. I made them hoes pick them, I made them go stick them. Built tight, MJ, fucking G, I'm luckily married to this 45 under my fucking seat. Talking bullet pistols out and shooting never shook me. You boys can't hook me, listen what the hook be. I heard you niggas don't like me, like me. I know you boys wanna fight me, fight me. I know where your kids and your wife be, wife be. Bust a nigga head to the white be, white be. I heard you niggas don't like me, like me. I know you boys wanna fight me, fight me. I know where your kids and your wife be, wife be. Bust a nigga head to the white be, white be. Oh, we ain't scared of fuck niggas, we ain't scared of whole clicks. Fuck them niggas, take they hoes and they motherfucking shit. Oh, we ain't scared of fuck niggas, we ain't scared of whole clicks. Fuck them niggas, take they hoes and they motherfucking shit. You think you bad, nigga? You think you hard, nigga? Are yo click ain't shit, we'll pull your card, nigga. You think you bad, nigga? You think you hard, nigga? Are yo click ain't shit, we'll pull your card, nigga. We shoot a bird at a pussy, nigga. We roll out a pussy, nigga. I don't give a fuck, nigga. Stole on that pussy, we shoot a bird at a pussy, nigga. We roll out a pussy, nigga. I don't give a fuck, nigga. Stole on that pussy, nigga. I heard you niggas don't like me, like me. I know you boys wanna fight me, fight me. I know where your kids and your wife be, wife be. Bust a nigga head to the white be, white be. I heard you niggas don't like me, like me. I know you boys wanna fight me, fight me. I know where your kids and your wife be, wife be. Bust a nigga head to the white be, white be. Are we some head bosses? Are we some head bosses? Are we a cracker nigga skull? We some head bosses. Are we some head bosses? Are we some head bosses? Are we a cracker nigga skull? We some head bosses. Are we some head bosses? Are we some head bosses? Are we a cracker nigga skull? We some head bosses. Yeah, yeah. We out here creeping, out here lurking, we gon' find you. We ball like Caillou, but we silent and we violent. We creeping and lurking, we creeping and lurking, we creeping and lurking, nigga. We creeping and lurking, we creeping and lurking, we creeping and lurking, nigga. We out here creeping, out here lurking, we gon' find you. We ball like Caillou, but we silent and we violent. We creeping and lurking, we creeping and lurking, we creeping and lurking, nigga. We creeping and lurking, nigga. I'm creeping and lurking, you niggas deserve it. And murder's my purpose. Yeah, yeah. If you hang with the serpents, you niggas go first in the saber they worship. Yeah, yeah. I've been through the darkness, I battled in hell, I've been through the torment. Yeah, yeah. You niggas ain't worth shit. Yeah, yeah. So I'm bringing the torture. I travel through portals, my flow is immortal. I come through and rip his body in the halves like he got a divorce. Yeah, you wrecking my force. Yeah, we gon' crash on your course. Finish the mission abort. Fuck nigga, that's a course. Killing niggas running car. Fucking bitches in my fort. Nigga play a different sport. But we put you in the dirt. Play with a nigga, we ending your days. And when it change, I'm stuck in my ways. My niggas ain't nothing, we coming up back. Tweet gonna be how I deal with the pain. Fuck up my fashion, these niggas on stage. Niggas ain't banging, but one with a gang of niggas. Hell, I hate my nigga in a second. Pussy nigga need a weapon. Pussy nigga, what you weapon? Get to the pussy, I stretch it. On arrive à la fin de cette émission quasiment, mais on va continuer à écouter un peu de ce rap inspiré par le hard rock, le metal. Ouais, on n'en a pas parlé, donc on va en parler juste deux secondes. Non, mais on a le temps. Oui, c'est moi là j'ai... ce qu'on vient d'écouter donc déjà. Ouais, on a écouté un rappeur qui s'appelle Bill Saber. C'est un rappeur qui vient de Buffalo, New York. Il est dans la même veine en fait que City Morgue. Donc City Morgue, c'est un groupe new-yorkais composé de Zilla Kami, de Soso Moula et de Trax. Donc en fait les deux premiers protagonistes sont des New Yorkais à part Trax qui est un Californien. Je vous renvoie à écouter le podcast dessus, enfin c'est plutôt un petit reportage de Mugen sur on en parle souvent, mais dans la potion il en parle vraiment mille fois mieux que moi, parce que moi je n'écoute pas ça tout le temps, mais comme c'était l'occasion de faire avec le parallèle, donc voilà, c'est une nouvelle mouvance on va dire hard rock rap hyper vénère de ouf, avec des basses énormes et où il crie quoi dedans carrément quoi, enfin ouais. Donc là, Bill Saber, lui, il était plutôt posé sur ce morceau, mais... Ouais, mais Bill Saber, il est plus posé, ça dépend des morceaux, mais il est quand même vraiment énervé, et puis il a une dégaine avec... il a des grosses tresses, en fait, qui sont teintes en couleur comme des cornes de taureau, quoi, un peu, qui met devant, qui rabat devant lui, devant sa avec tête. Avec un sweat à capuche, quoi. Ouais, et même pas, qui sont tressés, en fait, devant, d'une façon à ce que ça fasse comme deux grosses cornes de diable, un peu à la Hellboy, tu vois, enfin, voilà. Ah ouais. Il est vénère de ouf. Hein. Mais c'est marrant parce que là, bon, tu parles d'une nouvelle mouvance. Donc le mec vient de Buffalo. Ouais. Tout de suite, j'ai pensé à Griselda. Genre, eux, ils sont New York, mais ça n'a rien à voir, quoi. Et à côté, t'as la nouvelle génération qui arrive avec un son. Ouais. Bon, c'est un peu le nouveau SoundCloud rap, ouais, qui est en ce moment. Attention à West Side Gun sur un morceau énervé comme ça avec sa petite voix, je pense que ce serait incroyable. Hein. Ah, je pense qu'ils supporteraient pas ces mecs-là, c'est quand même des puristes. Non, mais c'est des émo. En plus, ils ont les ongles peints. Enfin, tu sais, ils sont vraiment ils ont des styles vestimentaires et tout. C'est vraiment un truc, je pense, de jeunes. Tous ces mecs-là, ils sont nés, tu vois, en 98. C'est les petits de XXXTentacion. Ouais, tout ça, mais en plus vénère, parce que XXXTentacion à côté, c'est un enfant de cœur, quoi. Tu vois, eux, ils sont vraiment énervés de ouf, tu vois. Mais je propose qu'on écoute un morceau, et en plus il y a Denzel Curry dessus. Donc ouais, c'est dans l'extrait de leur dernier album à City Morgue qui est sorti il y a très peu de temps là. D'ailleurs Denzel Curry qui a aussi toute cette influence. Exact, mais c'est l'influence, en fait, finalement c'est comme de la funk plus énervée avec une nouvelle sauce et tout. Enfin, de toute façon tous les styles se transforment et mutent, et là c'est une mutation de plein de styles je pense différents, tu vois. Bon, bah écoutez, pour ceux qui veulent aller plus loin, donc, on renvoie à la vidéo de Mugen sur YouTube, donc là ça s'appelle La Potion. Et là, on va écouter Drano. Woke up drenched in the sweat so cold that it froze my home. Wanna go to hell, cause at least it's warm on the brimstone floor. No love, no more, I'm getting frail. And my face is not the same as before. I cannot see. In the mirror, I cause quakes, last to touch everything that breaks. And I'd rather not even show my face. Cops on the block and they building the case. Hope that the shot put holes in your cake. I don't want nobody safe in the day. This black AK got something to say. It's okay, just back up and pray. What? Can't catch tears when they're all down the drain. Can't cry now, fucking self-medicate. My shoddy got a body on it. Tommy got a body on it. I just body my opponents. I'm John Gotti, use a rodent. Combat shotgun round like Ricky. Hit him with a hot one drum, hold 50. Got killer shells like Matumbo's pinky. Bitch curl out like a jumbo shrimp. Fast when watch anything I do. Seeing that Fox 5, 10 o'clock new big. Mama stress, kid stress, and pots too. Put my wrist, kid, rich and gang by June. Yet feel underprivileged, but my kingdom is buried in sand. I'm demanding, yes, I am the man. As I look at the cards in my hand, a fortune teller of the terror, say terror. I'm sick of artists that chuck up the deuce when they get the juice when you have from the roots in them. Sick of hoes that walk in and seduce, but then talking shit once you give them the poo. Clear your throat, cause you know you a swallower. Up to me, I would kill a whole lot of you. So it's brought to the hell of high water, huh? Sexual gangster, but wet law and order, huh? Et voilà, cette fois c'est la dernière ligne droite. Yes. Donc on est parti dans des ambiances de plus en plus vénères. Donc on s'était gardé un petit morceau si jamais on a le temps, et c'était donc le Black Skinhead dont on parlait tout à l'heure. Yeah. Donc on va vous laisser là-dessus, et puis voilà, j'espère que ça vous a donné un peu d'autres horizons que le rap. C'était sympa aussi de voilà. Ouais. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Yeah. jeans on, my by any means on, partin' I'm getting my scream on, end of the kingdom, but watch what you bring home, you see a black man with a white woman at the top floor, they gon' come to kill King Kong, middle America packed in, came to see me in my black skin, number one question they asking, fuck every question you asking, if I don't get ran at my Catholics, it comes to conservative Baptists, claiming I'm overreacting like the black kids in Chirac, bitch. 4 in the morning, and I'm zoning. They say I'm possessed. It's the omen. I keep it 300, like the Romans. 300 bitches. We're the Trojans. Baby, we living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it. So follow me, y'all, cause this shit about to go. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go. And there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been like that on your ass. And I'm zoning, they say I'm possessed. It's an omen, I keep it 300. Like the Romans, 300 bitches. We're the Trojans, baby, we living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it. Stop all that coon shit. Early morning cartoon shit. This is that goon shit. Fuck up your whole afternoon shit. I'm aware I'm a wolf. Soon as the moon hit, I'm aware I'm a king. Back out the tomb, bitch. Black out the room, bitch. Stop all that coon shit. These niggas ain't doing shit. Them niggas ain't doing shit. Come on, homie, what happened? You niggas ain't breathing, you gasping. These niggas ain't ready for action. Ready for action, action. 4 in the morning, and I'm zoning, I think I'm possessed. It's an omen, I keep it 300. Like the Romans, 300 bitches. We're the Trojans, baby, we living in the moment. I've been